Chapitre 7 L'épreuve. Pendant que le médecin donnait à Xavier des soins intelligents et qui, cependant, triomphait lentement de la crise terrible dans laquelle il se débattait, M. Gobert et M. Aubry restèrent seuls dans le cabinet. Le juge d'instruction paraissait calme, comme un homme qui vient de trouver un dénouement prévu. Il classait les papiers, les numérotait et les étiquetait. M. Aubry, au contraire, semblait en proie à une vive préoccupation. Des pâleurs subites envahissaient son visage brusquement empourpré. Enfin, il quitta sa place et marcha avec agitation. Le juge d'instruction, en levant les yeux, demeura frappé de l'altération de sa physionomie et lui demanda avec bienveillance « Souffrez-vous, monsieur Aubry ?»« Oui, monsieur le magistrat, » répondit le commissaire de police d'une voix dont les vibrations trahissaient son angoisse intérieure. « Je souffre d'un mal qui, je le vois, ne vous oppresse point à cette heure et qui m'étouffe. Ce mal s'appelle le doute. Vous doutez de la culpabilité de ce jeune homme ?»« Oui, monsieur, mais vous niez l'évidence. » Je ressens une impression. Je cède à l'impérieuse voix de ma conscience. Je subis un pressentiment, soit. Mais ce pressentiment ne me trompe pas. La douleur de ce jeune homme est sincère. Son épouvante, sa révolte, en s'entendant accusé d'un crime odieux, n'était pas feinte. C'est une comédie habilement jouée, j'en conviens. Mais qui ne devrait pas avoir pour dupe un homme de votre expérience. Soit, monsieur, mais il reste autre chose. Quoi ? Ceci, fit le commissaire de police en désignant la touffe de cheveux rouges couverte du sang de Liplap. Vous comprenez, monsieur, dit le juge d'instruction, que l'on ne saurait attacher une grande importance à cette découverte. Liplap allait et venait dans la maison. Il sortait même parfois. Qui pourrait expliquer les fantaisies de cette bête fantasque? Je ne me rends pas compte de la présence d'une touffe de cheveux semblable dans la main du chimpanzé, mais ce détail n'exerce aucune influence sur ma conviction. Voyons, monsieur Aubry, discutons, ou plutôt établissons les faits. Je serais désolé que l'ombre d'un doute vous restât, car je vous connais. Ce doute vous serait une torture. Les habitudes de luxe, les prodigalités de débauches et de folies de Xavier Pomerel vous sont connues. Il avoue ses embarras d'argent et une dette de jeu sur parole dont le montant est de 40 000 livres, somme énorme, en dépit de la fortune de son père, si énorme que celui-ci refuse de la payer. Je sais cela, monsieur. Xavier insiste pour avoir cet argent. Il prie, supplie, menace. Il menace, entendez-vous bien. Sa sœur l'entend, lui-même l'avoue. C'est exact. Refusé par son père, Xavier s'enferme chez lui, n'osant rentrer au cercle avant d'avoir payé le compte de Monjou. Il cherche le moyen d'y parvenir en dépit de tout, en dépit de la loyauté et de l'honneur. Dans la perquisition faite par nous, durant le premier moment de crise de M. Pomerel, nous avons trouvé sur la table de sa chambre un code pénal marqué à la page où se trouve l'article 380. Ce fait explique la préméditation du vol, puis une lettre adressée à M. de Monjou, le prévenant que le lendemain la somme qui lui est due lui sera remise. La lettre est écrite pendant la soirée. Dans l'esprit de Xavier, l'heure du crime est fixée. Ce crime, il le commet sans crainte, avec la certitude de l'impunité. Le code vient de lui apprendre que, dans cette circonstance, la loi cède devant l'autorité du chef de famille. Le malheureux avoue tout cela. Il attend que son père soit endormi, dérobe les clés sous son chevet, ouvre la caisse, en arrache les valeurs et tout à coup son père se dresse devant lui en l'appelant voleur. La folie monte à son cerveau, son père lui fait peur, il veut garder l'argent. Une lutte criminelle et terrible s'engage, le fils devient parricide et s'enfuit. Toute prudence l'abandonnant, il oublie de fermer la caisse du coffre-fort, laisse à terre un lambeau du poignet de sa chemise, se jette sur son lit sans se déshabiller et, chose horrible, ce meurtrier s'endort. Mon Dieu, monsieur, ce que vous dites est logique comme enchaînement des faits. Vous devez forcément déduire ces conséquences des faits avoués et prouvés. Beaucoup d'hommes penseront comme vous. Et cependant, pourquoi, comme il le dit, cet égaré n'aurait-il point subitement été pris de terreur et de remords? L'intention ne saurait être ici réputée pour le fait. Il a dérobé les clés et ouvert la caisse. Puis il a reculé devant son crime et s'est enfui. S'il s'est enfui, qui a volé les 100 000 francs? Qui a étranglé M. Pomerel? Voilà ce que je ne sais pas, ce que je ne devine pas, ce qu'il faudrait chercher. Tout au plus pourrait-on admettre la présence d'un complice. Et c'est ce que peut-être nous révélera un nouvel interrogatoire. Autant que vous, je le crois, monsieur, j'ai le respect de ma mission. Ma vie tout entière en est la preuve. Ma conviction est faite. Et cependant, je mettrai tout mon zèle à jeter plus de lumière encore sur cette sinistre affaire qui ne manquera point de passionner l'opinion publique. Et si vos démarches apportent quelques preuves à l'appui de vos pressentiments, je vous serai reconnaissant de me les communiquer. Vous m'autorisez pleinement, monsieur, à poursuivre une enquête. C'est votre devoir de le faire, le mien de vous y engager. En ce moment, le docteur reparut soutenant Xavier. Le jeune homme tomba dans un fauteuil, accablé, brisé, anéanti. « Monsieur, dit-il au juge d'instruction, je suis innocent, je le jure. Je comprends aussi, avec une juste épouvante, que beaucoup de charges s'élèvent contre moi. » Cependant, si faible, si léger que j'ai été, se peut-il que ma conduite donne prise à une telle accusation? J'aimais mon père, monsieur. Oh oui, je l'aimais. Avez-vous des complices? Demanda le juge d'instruction froidement. Des complices? Mais je vous répète que je suis innocent. Vous le devrez prouver à la justice, monsieur. Souhaitez-vous dire adieu à votre frère, à votre sœur? Vous allez donc m'emmener? Vous serez conduite à la conciergerie. Oh, je suis perdue, perdue, fit Xavier. Dans l'accent lamentable avec lequel Xavier dit ces mots, M. Gobert trouva le cri de la conscience bourrelée du criminel vaincu par l'évidence. Certes, un jeune homme de mœurs pures, de conduite régulière, accusé d'un parricide commis dans de telles conditions, se fût révolté contre l'accusation avec plus de vigueur et d'éloquence. Xavier sentait peser sur lui la pensée du vol, son commencement d'exécution. Ses aveux, les dépositions de Sabine, celles de Sulpice, concouraient à le charger. Oui, il se sentait perdu. Le châtiment, pour s'être fait attendre, tombait sur lui de tout son poids. Cette nature écrasée par l'éveil, amoindrie au moral, ce corps usé prématurément, cet esprit affaibli manquait de toutes les énergies nécessaires pour la lutte qu'il aurait fallu soutenir. Xavier ne trouva rien de vivant, de persuasif, de vainqueur. Il était évanoui comme une femme. Il s'abandonnait comme un enfant. « Monsieur, dit-il enfin au juge d'instruction, je souhaite épargner à Sulpice et à Sabine l'émotion de semblables adieux. Ils auront le droit de me venir voir, sans doute. » Quand vous ne serez plus au secret. Partons donc, partons vite, par humanité. Envoyez chercher une voiture et faites, s'il se peut, disperser la foule dont j'entends d'ici les murmures. Le juge d'instruction donna un ordre à son secrétaire qui sortit. Xavier écrivit quelques mots adressés à son frère et laissa la lettre ouverte sur la table. Un moment après, tandis que Sulpice et le docteur entouraient Sabine, et que Baptiste, en pleurs, baisait la main de son jeune maître, M. Gobert descendit, suivi par le commissaire de police. Celui-ci dit bas et rapidement à Xavier, « Du courage, je ne vous abandonnerai pas. » Le malheureux leva un regard plein de reconnaissance sur M. Aubry. Deux voitures avaient été amenées, l'une destinée au juge d'instruction et à son secrétaire, l'autre au commissaire de police et aux agents chargés de conduire Xavier à la conciergerie. Pendant le trajet, la présence des agents rendit le fonctionnaire silencieux, mais le jeune homme savait qu'il pouvait le considérer comme un ami. Tandis que Xavier était conduit à la première étape de la douloureuse voie qu'il devait suivre, le médecin et le jeune prêtre rappelaient Sabine de son long évanouissement. Le premier mot qu'elle prononça fut le nom de Xavier. Sulpice lui promit qu'elle le verrait bientôt et sortit pour s'informer auprès des magistrats s'il était possible que les trois malheureux orphelins se réunissent près du cadavre de leur père. Alors seulement l'abbé Pomereul apprit que Xavier avait été emmené par ordre du juge d'instruction. Il ne comprit pas d'abord, il ne voulut pas comprendre. Le billet laissé par Xavier lui révéla l'horrible accusation pesant sur son frère. « Mais il est innocent » s'écria-t-il. « Il est innocent ! Je vais parler aux magistrats, leur dire de me rendre mon frère, mon pauvre frère !» Et courant à Sabine, l'embrassant avec une douloureuse tendresse, l'abbé Sulpice lui dit « Prie en attendant, Sabine, l'épreuve est encore plus rude que je ne le croyais. » Sulpice courut au parquet. Il parla avec une éloquence convaincue. Il défendit Xavier en répondant de lui « âme pour âme, honneur pour honneur ». Chacun témoigna au jeune prêtre une vive sympathie, un profond respect. Mais on ne lui répondit au sujet de Xavier que des phrases évasives. « Hélas, monsieur l'abbé, dit le magistrat à qui s'adressait le jeune prêtre, pour sauver votre frère, il faudrait trouver un autre coupable. » « Mais alors, fit Sulpice, il n'acheva pas. Le coupable, il le connaissait. Il avait vu son visage, il avait son nom. D'un mot, il pouvait prouver l'innocence de Xavier et attirer le châtiment sur la tête de l'assassin. S'il avait eu le courage de pardonner au meurtrier de son père, devait-il laisser accuser son frère d'une action monstrueuse? Son devoir l'obligeait-il à sacrifier Xavier pour laisser impuni Jean Machu, le forçat libéré? Le secret de la confession était-il tellement absolu que, placé entre l'honneur et la vie des siens, l'abbé Sulpice dut voir sa famille déshonorée et la tête de son frère roulée sur l'échafaud plutôt que de trahir le secret d'un misérable? Encore, si ce voleur, cet homme couvert de sang, eût été pris de repentir, et, en se prosternant devant le prêtre, se fût abîmé dans la miséricorde divine. Mais Jean Machu avait joué une ignoble comédie. La vertu de Sulpice avait été le moyen dont il s'était servi pour lui tendre un piège. Envers un tel homme qui s'était fait un jouet d'un sacrement, une arme du secret imposée au prêtre, se trouvait-on lié comme à l'égard d'un pénitent ordinaire, sincère, repentant? Sulpice se demanda tout cela pendant une minute rapide. Son cœur bondissait dans sa poitrine, sa tête brûlait. Un horrible combat se livrait dans son âme. D'un mot, il sauvait son frère. Un mot aussi le rendait infidèle à son serment, parjure à Dieu comme aux hommes. Le jeune prêtre essuya la sueur froide qui mouillait ses tempes et murmura d'une voix éteinte « Je suis sûr de l'innocence de Xavier, mais en fournir la preuve n'est pas en mon pouvoir. Tout ce que je demande maintenant est d'aller le consoler. » « Dans 2 jours, monsieur l'abbé, le secret sera levé et les portes de la conciergerie vous seront ouvertes. » Un moment après, Sulpice remontait dans la voiture qu'il avait amenée et reprenait le chemin de l'hôtel Pomereul. Il trouva Sabine dans la chambre mortuaire. Par son ordre, les préparatifs funèbres avaient été faits. Des cierges brûlaient aux 4 coins du lit, un vase d'argent rempli d'eau bénite se trouvait au pied, un crucifix reposait sur la poitrine du mort, et l'ombre des grands rideaux tombait sur son visage, hélas méconnaissable. Quelques vases de fleurs répandaient leur parfum dans cette chambre dont l'atmosphère semblait déjà lourde et presque irrespirable. La jeune fille pleurait. En voyant Sulpice, elle se leva et répéta la même question. « Xavier, je t'ai dit de prier, je t'ai supplié d'avoir du courage, que la sœur croie le frère, que la chrétienne se résigne. » Il est des malheurs qui dépassent les forces de l'homme, et pour les soutenir, il nous faut demander au Seigneur que lui-même porte avec nous notre croix. Ne m'interroge pas, je ne puis rien dire, ne me dis pas d'agir, je reste impuissant, mais Dieu est là, et Dieu sait. » Sabine éclata en sanglots. Une heure se passa de la sorte. La jeune fille continuait à gémir, et Sulpice demandait un miracle au ciel, quand la porte de la chambre s'ouvrit sans bruit, et Bénédicte Fougeray, pâle et tremblant, vint s'agenouiller entre les orphelins. Adopté la veille par M. Pomerol, il venait réclamer sa part du deuil de la famille. Sabine leva vers lui des yeux voilés. Sulpice se rangea pour lui faire place. Pas un mot ne fut prononcé. Tous trois restèrent ainsi perdus dans une douleur dont nul ne saurait donner la mesure. De temps en temps, Sulpice récitait un psaume, laissant tomber goutte à goutte les grandes espérances de la foi dans ses cœurs navrés. La clameur de son âme montait vers Dieu avec les cris du roi prophète, puis un sanglot dans lequel se confondaient des regrets déchirants retentissait dans la chambre. Pendant ce temps, une scène presque aussi pénible se passait dans le salon de l'hôtel, dans la salle à manger, car toutes les pièces se trouvaient successivement et progressivement envahies. Vers 11 heures, peu après que la justice eut rempli son mandat, le secrétaire particulier de M. Pomerol, Marc Mauduit, vint pour remplir son devoir quotidien. Il s'agissait du dépouillement de la correspondance, de recouvrement de fonds, de la mise en ordre d'une partie intime de la comptabilité. M. Pomerol faisait grand cas de Marc Mauduit, dont il vantait l'exactitude, la réserve et la bonne tenue. En effet, ce jeune homme correctement vêtu, dont la voix était douce, le regard intelligent, inspirait la sympathie. Peut-être cependant certains signes qui ne trompent guère les physionomistes eussent-ils porté ceux-ci à en rabattre quelque peu sur la grande estime qu'en faisait le négociant. La bouche était mince et le regard n'était point exempt de ruse, mais nous l'avons dit, ces détails se fondaient et disparaissaient dans l'ensemble. Marc Mauduit, svelte et d'une taille bien prise, portait avec aisance une toilette recherchée, sans affectation. Il aimait le beau linge et les parfums de choix. On le raillait parfois du soin qu'il mettait à sa coiffure, mais il répondait en riant qu'il devait s'en occuper plus que personne afin de racheter l'indécision de la couleur par la grâce de la frisure et la correction de la raie. Les domestiques, sans l'aimer beaucoup, lui témoignaient une grande déférence. Xavier seul ressentait pour Marc Mauduit une sorte de haine, facile à attribuer peut-être à la comparaison souvent établie par Pomerol des défauts de prodigalité et de désordre de son fils avec la régularité de la vie de son secrétaire. Lorsque Marc Mauduit passa devant la loge du concierge, celui-ci ouvrit la porte et lui demanda d'une voix troublée « Vous ne savez donc rien, monsieur Mauduit ?»« Quoi ? J'arrive. Que s'est-il passé ?»« Monsieur Pomerol a été assassiné cette nuit. » « Assassiné, lui ? Par qui ?»« Par qui, on ne sait pas. Mais vous connaissez la justice. Il faut toujours qu'elle arrête quelqu'un, quitte à relâcher ce qu'elle a pris. Et on a emmené M. Xavier. »« Ah ? » fit Marc Mauduit. Il n'ajouta rien et parut en proie à une vive émotion. « Ça vous étonne ? Quoique ça, j'en reste surpris. On peut aimer le jeu, les chevaux, le diable et son train. » Sans être capable d'un crime pareil, ne le pensez-vous pas ? Moi ? Mais je répondrai de l'innocence de M. Xavier. Et vous avez raison, M. Marc, ça vous fait honneur. Mais, reprit le secrétaire, quand un semblable malheur frappe une famille, en dépit de la douleur, il faut s'occuper de 1000 détails. Songe-t-on aux funérailles ? On ne songe à rien, monsieur. Tout le monde est ahuri de chagrin. Je ne troublerai point celui des enfants. « Reprit Marc Mauduit. Je vais seulement m'entendre avec Baptiste et savoir de lui en quoi je puis être utile. » Marc Mauduit gravit les marches de l'escalier et trouva le valet de chambre dans la salle à manger. « Mon pauvre Baptiste, lui dit-il, je ne puis rien qu'épargner à M. Sulpice la tristesse des démarches obligatoires. Où il y a un cadavre, il faut des billets de faire part, une bière, un convoi. » Je crois remplir un devoir en remplissant les formalités légales à la mairie, en prévenant les ouvriers de la fabrique de Charenton. Je perds un protecteur, un second père, dans la personne de M. Pomerol. Il verra de là-haut que je tiens à honorer pieusement sa mémoire. » Baptiste approuva le dévouement du jeune secrétaire, et celui-ci se rendit à la mairie puis aux pompes funèbres, de là à l'usine de Charenton. Quand les ouvriers apprirent la mort terrible de M. Pomerol, ce fut parmi eux une désolation générale. Ces pauvres gens se demandaient ce qu'ils allaient devenir, privés de celui qui leur avait fait si douce leur vie de labeur, si honorable et si précieuse la vie de famille. Les vieillards qu'il avait connus jeunes, et dont les cheveux étaient devenus blancs en même temps que les siens, essuyaient de grosses larmes. Chacun rappelait un trait de bienfaisance, un acte de générosité de cet homme excellent. Encore s'il s'était éteint doucement, s'il était mort à la suite d'une longue maladie, mais mort assassiné, lui ? Un cri de haine contre le meurtrier succéda au premier cri de stupeur et de regret, et quand le nom de Xavier fut prononcé, il y eut dans l'atelier une formidable explosion d'anathèmes. « Ce n'est pas possible !» dit un jeune ouvrier dont le costume trahissait certaines recherches. « On est nos sœurs, on est joueurs, on aime les bons dîners et le spectacle, on gaspille l'argent, c'est entendu, mais ça ne mène pas à tout, quoi !»« Ça y mène !» répliqua un vieux ciseleur, lentement et sans qu'on s'en doute. « La fainéantise conduit à l'ivrognerie. On dépense d'abord l'argent qu'on gagne, puis celui qu'on emprunte, enfin celui qu'on vole. Je ne dis pas cela pour M. Xavier. Je l'ai vu tout blondin, et il me faisait plaisir avec sa jolie mine rose. Mais pour toi qui veux des paletots à la mode et qui dédaigne la blouse, pour toi qui lis des journaux plus rouges que bleus et qui joue au billard dans les cafés Rups, ça ne vaut rien, mon garçon. Avec ce train-là, qu'un mauvais coup survienne dans vos environs, on vous le laisse pour compte. Monsieur Xavier n'a certes pas, j'en répondrai, assassiné son pauvre père, mais il avait une mauvaise conduite. On rassemble des charges, presque des preuves, et Dieu sait s'il s'en tirera. Oui, répéta Marc Mauduit, Dieu sait s'il s'en tirera. En attendant, reprit Blancadet le ciseleur, nous avons une double tâche à remplir, rendre les derniers honneurs au patron et, s'il se peut, venir en aide à son fils. Nous ne sommes que des ouvriers, mais le Fils de Dieu a daigné être charpentier pour nous apprendre la valeur du travail. Nous avons nos cœurs, nos âmes, nos bras, notre intelligence. Mettons tout cela au service des orphelins. Ça va-t-il, vous autres ? Oui, père Blancadet. Le vieux ciseleur s'approcha de Marc. « En vous remerciant de nous avoir prévenus, monsieur Mauduit, cet après-midi, une députation d'entre nous ira rendre ses devoirs aux pauvres morts, et demain, toute la fabrique suivra le convoi. » Le secrétaire remonta en voiture et partit au galop de deux excellents chevaux. Les ouvriers étaient plongés dans une sincère et profonde douleur. Jamais ils n'avaient compris, autant que maintenant, la bonté persistante de Pomerol. À cette heure, quand il regardait la salle d'asile, l'ouvroir, l'hospice, toutes les fondations de cet honnête homme, de ce patron modèle, de ce capitaliste généreux et délicat dans ses générosités, il se répétait que personne ne le remplacerait pour eux, et que, au même degré que les enfants Pomerol, ils allaient se trouver orphelins. Chacun voulait se rendre rue de la Chaussée-d'Antin, prier devant la mortelle dépouille de la victime. Tous voulaient montrer leur dévouement. Il fut enfin décidé que les chefs seuls des ateliers rempliraient ce devoir au nom de leurs camarades. Deux heures plus tard, ils arrivaient, l'air triste et abattu, à l'hôtel Pomerol. Sulpice, prévenu de leur arrivée, alla lui-même ouvrir toutes grandes les portes de la chambre, transformée en chapelle ardente. Et quand il les vit, prosternés, recueillis, étouffant leurs larmes, abîmés dans leur profonde douleur, il lui sembla qu'une rosée rafraîchissante tombait sur son cœur. « Dieu bon, dit-il en élevant la voix, Dieu de miséricorde et de clémence, reçois dans la paix de ton éternité celui que tu nous as repris si vite. » Le souvenir de ses bienfaits, de ses vertus, resté si vivant en nous, suffit-il à ta justice ? J'ose le croire, Seigneur. Mais s'il manquait quelque chose à cet homme qui passa en faisant le bien, si l'aumône tant de fois prodiguée par ses mains ne te fut pas assez offerte, S'il oublia de faire toujours remonter vers toi le mobile qui le pressait de soulager les pauvres et d'aider ses frères, mon Dieu, écoute la voix de ceux qui le pleurent. Prends nos larmes et nos prières pour laver les imperfections de sa vie et que le martyre de son heure suprême lui fasse trouver grâce devant toi. » Tous les cœurs se brisèrent, de tous les yeux jaillirent des pleurs brûlants et toutes les mains s'étendirent vers le corps rigide comme pour une bénédiction suprême. Sulpice engagea vainement les braves gens à se retirer. Ils insistèrent pour veiller leur maître, leur bienfaiteur, avec la famille, et les orphelins se retirèrent, trop touchés de cette marque de respect et de douleur pour insister davantage. Toute la nuit se passa dans la chambre mortuaire. Sulpice priait à voix haute. Les hommes répondaient. Sabine, malgré sa faiblesse immense, avait voulu rester près du lit de Pomereul. Affaissée sur ses genoux, les mains jointes sur les couvertures, le regard extasié, elle se sentait perdue dans un complet anéantissement. Des ordres avaient été donnés pour que l'enterrement eût lieu de grand matin. Mais en dépit de l'heure inusitée, une foule compacte encombrait la rue de la Chaussée-d'Antin et couvrait la place de la Trinité. Selon leur promesse, tous les ouvriers de la fabrique de bronze de Charenton étaient accourus avec leurs femmes et leurs enfants. On tenta d'épargner à Sulpice la tâche de célébrer la messe et de donner l'absoute. Mais, héroïque jusqu'au bout, le jeune prêtre ne voulut point qu'un autre que lui prononçât, au nom de l'Église, les suprêmes adieux sur cette chère dépouille. À peine la bière fut-elle placée dans le char funèbre que les enfants des ouvriers s'avancèrent. Chacun d'eux tenait une superbe couronne. On les plaça pieusement sur le cercueil et le cortège se dirigea vers le cimetière du Père-Lachaise où la famille Pomereul avait une chapelle. Il ne fut point prononcé de discours sur cette tombe, non parce que le haut commerce et le conseil municipal, dont le négociant faisait partie, se fussent abstenus d'accompagner son convoi, mais en raison des préventions pesant sur Xavier. Rappeler la mort, c'était presque nommer celui que beaucoup appelaient déjà le meurtrier et agrandir dans le cœur de Sulpice une horrible blessure. Chacun des assistants lui vint serrer la main. Il embrassa le plus jeune des enfants et prit place avec Bénédicte dans la voiture d'André Niçois. Le banquier était au désespoir. « Ah, monsieur, » dit-il avec un accent pénétré, « il me semble que je suis la cause de la mort de mon malheureux ami. Si je ne lui avais point demandé 100 000 francs, on n'aurait peut-être pas eu la pensée de voler. Vous aviez raison de vous adresser à un ami, monsieur Niçois, » répliqua Sulpice, « et je regarde comme un devoir de vous rendre le service que mon père vous avait promis. Cette somme dont vous avez besoin, je la ferai prendre à la banque, et vous pourrez demain l'envoyer chercher. » Acceptez-la de mes mains comme vous l'acceptiez d'Antonin Pomereul. Dans de semblables circonstances, notre malheur n'apaiserait point vos inquiétudes, monsieur. L'amitié de mon père pour vous doit survivre, car nous en héritons. De quelque façon que vous souffriez jamais, monsieur, croyez que vous me trouverez disposé à compatir à vos chagrins et n'hésitez jamais à frapper à notre porte. » Le banquier ne demanda point à voir Sabine, mais Bénédicte rentra avec Sulpice dans l'hôtel Pomereul. « Mon ami, dit-il au jeune prêtre, pensez-vous que votre malheureux frère ait fait choix d'un avocat? Lui, il le dédaignera, mon cher Bénédicte. Me permettez-vous d'aller voir monsieur Renaud de votre part? C'est un jeune homme d'un grand talent, d'un grand savoir, et en qui j'ai toute confiance. Faites, mon frère, répondit douloureusement Sulpice en tendant la main au sculpteur. « Ne me donnerez-vous point la vôtre aussi ?» demanda Bénédicte en s'adressant à Sabine. La jeune fille hésita, mais elle lut un si grand chagrin dans le regard du sculpteur qu'elle n'osa refuser. « Un frère peut bien serrer la main de sa sœur ?» répondit-elle presque bas. Bénédicte fit un mouvement de douloureuse surprise. Sulpice s'en aperçut. « Elle souffre tant, » dit-il. « Pardonnez-lui d'être découragé. » Bénédicte s'éloigna et Sabine se jeta dans les bras de son frère avec une explosion de désespoir. « Je n'en puis plus, » dit-elle. « C'est trop, mon Dieu, pour une faible créature. Tu es un saint, toi, Sulpice, mais moi, je ne suis qu'une femme et mes forces sont à bout. »